Je vous souhaite un excellent après-midi. La météo avec les voyages Fram. Circuit, séjour, hôtel club, week-end et vol sec. Quelques averses cet après-midi, parfois de l'orage, de la Bretagne à la Gironde, encore de petites ondées des Ardennes à la Lorraine, temps généralement sec dans les autres régions, plutôt nuageux tout de même dans le nord et dans l'est, souvent ensoleillé vers le sud, mais ça ne va pas durer. Déjà dans la nuit, des pluies parfois accompagnées d'orages aborderont les rivages méditerranéens. Vent d'est violent sur la Côte d'Azur, rafale possible de 110 km à l'heure en fin de nuit. Demain matin, les pluies vont s'étendre aux Alpes, au Jura, au Lyonnais, à l'Auvergne, au Midi-Pyrénées, neige à 1500 mètres sur les Pyrénées. Dans l'après-midi, ciel plus variable dans le sud-est, devenant Maussade, en Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin et Berry. Le temps sera plus clément au nord de la Loire, belles éclaircies après quelques brouillards matinaux. Lundi, des pluies d'orages de la Provence à la Corse, quelques orages aussi en Charente et Aquitaine, petites pluies en Languedoc, dans le nord de la Bretagne et dans les régions voisines de la Belgique et de l'Allemagne. Il fera cet après-midi 13 degrés à Lille, 14 à Strasbourg, 15 à Paris, 16 à Lyon, 17 à Marseille, 19 à Bordeaux, jusqu'à 20 degrés à Biarritz, 22 à Ajaccio. Demain, température en baisse dans le sud, excepté en Corse. Toutes les prévisions météorologiques, département par département, à la ville, à la mer ou à la montagne, sont disponibles par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Bonjour, c'est Yves Guénard. Aujourd'hui, samedi 30 octobre, c'est le 72e jour de captivité en Irak pour nos compatriotes Christian Chesneau, Georges Malbruno et leur compagnon Mohamed Al-Joundi. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Et pour toute information complémentaire, France Inter vous renvoie au site internet de l'association Reporters sans frontières, soit www.rsf, R comme reporter, S comme sans, F comme frontières, org. Il est 13h22 sur France Inter. Très bon week-end. On retrouve Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. Et si la guerre froide n'était pas terminée? C'est la première réflexion qui m'est venue à l'esprit en écoutant M. X cette semaine. En effet, il existe au moins une région dans le monde où la compétition Est-Ouest se poursuit de façon acharnée. Il s'agit du Caucase, cette incroyable mosaïque de peuples et de langues. Le Caucase qui, passez-moi ce cliché car il est pour une fois justifié, demeure une véritable poudrière. Personne n'a oublié la récente et monstrueuse prise d'otage de Beslan en Ossétie du Nord, où près de 500 personnes ont trouvé la mort. Une action revendiquée par Chamil Basayev, un chef de guerre tchétchène, qui, nous allons le voir, n'a pourtant pas toujours entretenu de mauvais rapports avec Moscou. La question tchétchène continue donc d'être le principal foyer de troubles de la région et la guerre coloniale que le Kremlin y conduit a des répercussions sur l'ensemble du Caucase et d'abord sur le voisin géorgien, lui-même confronté à plusieurs mouvements irrédentistes. Il faudrait aussi évoquer le conflit latent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos de l'enclave du Haut-Karabakh, sans oublier à la lisière du Caucase, la querelle entre Moldaves et Russes à propos de la petite Transnistrie. Dans la plupart de ces violentes confrontations nées de la dislocation de l'Empire soviétique, Moscou et Washington se livrent une guerre larvée. Une guerre autant politique qu'économique car il flotte au-dessus du Caucase une forte odeur de pétrole. Dans un instant, M. X essaie d'y voir plus clair et s'intéresse plus particulièrement à la situation de la Géorgie, qui est l'un des principaux enjeux de cette nouvelle guerre froide. France Inter, rendez-vous avec X. L'expression est belle et résume bien le Caucase. Les géographes arabes l'appelaient la montagne des langues. On trouve en effet de chaque côté des 1300 km de cette chaîne montagneuse un véritable puzzle d'ethnie, de langues et de religions. Et le Caucase, vous devez le savoir, a toujours fait l'objet de convoitises. Oui, depuis l'Antiquité. Bien sûr, et essentiellement à cause de ses richesses naturelles. Mais s'il vous plaît, ne remontons pas trop loin. Oui. Bon, et signalons simplement que la Géorgie, dont nous allons parler aujourd'hui, est l'ancienne Colchide, le pays de Jason et de la Toison d'Or. Autre chose, le Caucase, qui est un peu plus petit que la France, rassemble une trentaine de millions d'habitants. Tout peuple réuni. Oui, en fait, il existe deux Caucases. Celui du Nord, qui appartient toujours à la Fédération de Russie. Et où se trouve la Tchétchénie. Hein. Mais aussi le Daghestan et l'Ingouchie. Ce Caucase montagnard et islamisé a toujours cherché à s'affranchir de la tutelle russe. Au Sud, la Transcaucasie rassemble trois ex-républiques soviétiques. L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Ouais. Des républiques qui ont donc échappé à l'influence de Moscou. Ah bah pas totalement, vous allez le voir. Et ça s'explique aisément. Il existe une constante dans la politique étrangère russe, aussi bien sous les tsars que sous les dirigeants soviétiques, c'est la nécessité d'avoir accès aux mers chaudes, comme on dit à Moscou. Non, c'est-à-dire, mer chaude, c'est mer Noire et Méditerranée. Oui, et c'est pour cette raison que les Romanov ont peu à peu conquis le Caucase au prix de guerres très coûteuses en vie humaine. Le pouvoir soviétique n'a pas agi autrement. Après avoir accordé brièvement une relative indépendance à ces républiques caucasiennes, les bolcheviks se sont ressaisis et imposé leur joug sur toute la région. Et sous Staline, des populations entières ont été déportées, essentiellement celles du nord du Caucase. Ouais, et pourtant, Staline était lui-même caucasien. Hein. Géorgien, oui. Mmh. C'est peut-être pour cette raison qu'il a tenu à ce que sa patrie d'origine demeure fermement ancrée à l'URSS. Il faut dire par ailleurs que la Géorgie n'a pas trop pâti du système soviétique. C'est-à-dire ? Elle a certainement été la république la plus privilégiée et la plus prospère au sein de la fédération. Moscou en a fait une sorte de vitrine culturelle et touristique. À cause de son climat aussi. Et la mer Noire. Les apparatchiks y ont pris l'habitude d'y passer leurs vacances dans de superbes villas, des dachas situées au bord de la mer. Ça continue encore aujourd'hui. Hein. De nombreux généraux russes y possèdent toujours des maisons de vacances. Enfin, pour compléter ce panorama caucasien, il faut parler du pétrole. En 1914, les gisements de Bakou fournissaient déjà la moitié de la consommation mondiale de pétrole. Bakou qui se trouve en Azerbaïdjan. Hein. C'est juste. Mais la découverte du pétrole a rejailli sur toute la Transcaucasie. Et de nos jours, la question pétrolière reste d'actualité avec la guerre des oléoducs qui est au centre de la confrontation entre les États-Unis et la Russie. Enfin, nous allons y revenir longuement, ouais. Si vous voulez. Un mot quand même, enfin, sur cette rivalité, avant de poursuivre. Oui. Bah, l'enjeu, c'est le contrôle et le transport du pétrole azéri, mais aussi celui extrait des gisements de la mer Caspienne et des républiques d'Asie centrale. Bah, je vous promets, nous en reparlerons. D'accord, d'accord. Alors, par où voulez-vous commencer, hein? Bah, si la situation dans le Caucase, et particulièrement en Géorgie, est aussi explosive, c'est bien sûr à cause de la chute de l'Empire soviétique. Pour être tout à fait juste, il faut dire que les sentiments nationalistes des peuples de la région ont toujours existé. Oui, même sous le joug soviétique. Naturellement. Hein. Ouais. Et en Géorgie, on l'a constaté dès 1978. Et cette année-là, je ne sais pour quelle raison fumeuse, le Kremlin a soudain décidé que le russe serait désormais la langue officielle de la République. À la place du géorgien. Oui, alors aussitôt, c'est une levée de boucliers dans tout le pays. De grandes manifestations sont organisées et Moscou doit reculer. La conséquence, c'est que le nationalisme géorgien est soudain exacerbé. Et ça va produire de redoutables effets. Expliquez alors. La Géorgie, pièce de la mosaïque caucasienne, est elle-même très composite. À tel point qu'on a pu dire que c'était un territoire en miettes. On y trouve d'importantes minorités nationales, des Abkhazes, des Adjars, des Ossètes, des Azéris, mais aussi des Arméniens, des Russes et même des Grecs. Et si la religion majoritaire est l'orthodoxie, il y a également une minorité musulmane. Et toutes ces minorités, là, sont aussi traversées par des courants nationalistes ? Évidemment. D'ailleurs, certaines de ces minorités ont été reconnues, après la révolution d'octobre, comme des républiques autonomes avant d'être fondues dans le moule géorgien. Le sursaut nationaliste géorgien de 1978 a donc forcément ravivé le désir de ces peuples de recouvrer leur autonomie perdue. D'autant que le mouvement national géorgien s'est dressé à la fois contre Moscou et ses minorités qui prenaient le séparatisme. Mmh. Enfin, attendez, était-il réellement possible de s'opposer sous le régime soviétique ? C'était difficile, même si la Géorgie a toujours eu la réputation d'une république frondeuse. Cependant, c'est vrai, il y avait des dissidents, surtout des intellectuels qui ont particulièrement réclamé l'application des accords d'Helsinki et organisé des manifestations de rue dans la décennie 80-90. En profitant aussi de l'assouplissement du régime. Oui, de la perestroïka, c'est exact. Mais ces dissidents vont aussi faire preuve un peu plus tard d'un nationalisme doctrinaire et intransigeant qui va plonger la Géorgie dans la violence. Enfin, n'allons pas trop vite quand même. Donc, je vous l'ai dit, en même temps que s'affirme un puissant mouvement en faveur de l'indépendance, les minorités nationales, elles aussi, donnent de la voix. Elles manifestent. Oui. Et il faut le souligner tout de suite, il n'est pas exclu que cette agitation ait été soutenue et même provoquée par Moscou. Oui, divisée pour mieux régner, c'est classique. Bien entendu, les Soviétiques ont joué avec le feu en attisant les tensions. Au printemps 1989, pour manifester à la fois leur volonté de conquérir leur indépendance et leur attachement à l'unité de leur pays, les Géorgiens descendent dans la rue. Les forces de sécurité soviétiques répriment la manifestation avec une extrême violence et tuent une vingtaine de personnes. Ce que là-bas on appelle toujours le dimanche noir. Un vrai choc dans le pays, j'imagine. C'est certain. Et dès le lendemain, ces nationalistes se regroupent au sein d'un front populaire géorgien qui va être le fer de lance de la conquête de l'indépendance. Dès ce moment, un homme émerge, Sviad Kamsakhourdia. Qui est-ce là ? C'est un dissident de longue date, un intellectuel, un écrivain qui va devenir le véritable père de l'indépendance. Et comment procède-t-il, lui ? En 1990, alors que le mur de Berlin est déjà tombé et qu'un vent nouveau souffle sur l'est de l'Europe, les Géorgiens sont appelés aux urnes. Le parti de Kamsakhourdia obtient un triomphe. Et cet intellectuel est nommé à la tête du Soviet suprême de Géorgie. Parce que le système soviétique est encore en place. Pour peu de temps, oui. Mais dès l'année suivante, c'est la fin. Oui, la dislocation de l'Empire. En 1991, oui. Et la Géorgie, après d'autres républiques, comme les États baltes, va voler de ses propres aides. Kamsakhourdia, en tant que chef du pouvoir exécutif, organise un référendum. Et les Géorgiens se prononcent à une écrasante majorité pour l'indépendance. Dans la foulée, ils élisent quelques semaines plus tard leur leader à la présidence de la République. Une transition en douceur. Effectivement. Et pourtant, il ne va guère se passer de temps avant que la Géorgie ne bascule dans le chaos et la guerre civile. Et pourquoi alors ? Qu'est-ce qui explique ? Kamsakhourdia, qui bénéficiait pourtant d'un préjugé très favorable, tant dans son propre pays qu'à l'étranger, accumule les erreurs. Cet ancien dissident, en qui chacun croyait voir un démocrate sincère, se révèle être en fait un vrai dictateur et un piètre politique. Et ce qui est peut-être encore plus grave, ce populiste qui bénéficie au début d'un véritable culte de la personnalité est farouchement xénophobe. Ah oui, alors il va provoquer les minorités ? Oui, car ce nationaliste entend mettre en œuvre une véritable purification ethnique. Chasser tous ceux qui ne sont pas considérés comme des vrais Géorgiens. Et qui représentent presque un tiers de la population. Alors, aussitôt, en Abkhazie, en Ossétie du Sud, ça gronde. Et encore une fois, le grand frère russe n'est pas étranger à cette agitation. Kamsakhourdia n'en a plus pour très longtemps. Останусь с ней. А manene da ragazza mia. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les rapports entre la Russie et la Géorgie sont donc au cœur de cet entretien. Des rapports complexes analysés dans l'ouvrage « Les mondes rebelles ». La Géorgie occupe une position géographique précieuse sur le flanc sud de la Russie, à la charnière de l'Europe et de l'Asie, entre la mer Noire et l'Asie centrale, à proximité des mondes turcs et iraniens. Petit réduit chrétien, isolé dans un environnement régional dominé par un islam conquérant, il était tout naturel qu'il recherche pour subsister la protection impériale de Moscou et collabore en retour à la poussée russe dans le Caucase. Historiquement, Moscou et Tbilissi sont donc liés par une sorte de partenariat stratégique fortement déséquilibré, il est vrai, qui s'est le plus souvent résumé à une colonisation pure et simple de la part des Russes. Mais l'implosion de l'Union soviétique et l'indépendance de la Géorgie devaient fournir l'occasion de modifier l'état du rapport des forces entre les deux partenaires. Les dirigeants indépendantistes géorgiens, emmenés par le président Sviad Gamsakhourdia, caressant brièvement l'espoir de s'affranchir de la pesante tutelle de Moscou. Mais la Russie fit tout ce qui était en son pouvoir pour inciter les autorités géorgiennes à adopter une politique plus conciliante envers ses intérêts. Elle instrumentalisa la question des minorités, employa la vaste gamme de moyens dont dispose une grande puissance pour remettre au pas un État satellite récalcitrant. Kamsakhourdia n'était pas lui-même à l'abri des querelles ethniques intergéorgiennes. Il était originaire de la Mingrélie, une petite région située à l'ouest de la Géorgie. Et traditionnellement, les Mingréliens étaient mal vus de leurs compatriotes habitant l'est du pays. Décidément. Ouais, faut bien dire que la structure de la Géorgie était encore clanique. Et seule la terrible férule soviétique avait empêché que ces clans se déchirent. Pourtant, il me semble me souvenir que même au temps de l'URSS, il y avait eu des confrontations claniques. Vous voulez parler du complot mingrélien? Ben oui, c'est ça. Il est vrai que Staline s'était saisi de l'existence de ce prétendu complot pour essayer de se débarrasser du mingrélien Beria. Ouais, Beria, oui. Ouais. Mais oui, ben, le maître du Kremlin est mort avant de parvenir à ses fins. Opportunément, hein. Oui. Je dois aussi ajouter que la Géorgie soviétique était sous la coupe d'une puissante mafia. Lorsque le patron du KGB, Youri Andropov, avait voulu la décapiter, ses agents avaient été accueillis par des hommes armés. Et ils n'avaient pu se déplacer dans le pays que dans des voitures blindées. Mmh. Une mafia qui était d'ailleurs issue des rangs même du Parti communiste. Exactement. Mmh. Et l'homme fort du parti, Edouard Chevardnadze, avait dû composer pour contenir cette mafia. Il existait donc une tradition de violence en Géorgie. Et lorsque la boîte de Pandore a été ouverte, il était presque inévitable que cette violence éclate au grand jour. Oui, la boîte de Pandore, on voulait dire l'implosion de l'URSS. Effectivement, alors revenons à Kamsakhourdia. Sa politique xénophobe ne tarde pas à produire ses effets. Les Abkhazes et les Ossètes se rebellent contre le pouvoir central. Les incidents sont nombreux et certains sont meurtriers. Or, comme le pouvoir central, qui ne dispose pas de vraies forces de sécurité, est incapable de ramener l'ordre, il se constitue des milices privées un peu partout dans le pays. C'est-à-dire des milices armées? Oui. Chaque clan va bientôt posséder la sienne. Et les minorités ne sont pas en reste, bien entendu. Elles reçoivent des armes qui proviennent directement des arsenaux des bases russes toujours installées en Géorgie. Installées malgré l'indépendance? En effet. Les militaires russes, qui n'ont toujours pas digéré l'effondrement de l'Empire soviétique, n'entendent pas se retirer. Il leur est d'autant plus facile d'agir à leur guise qu'à Moscou, le pouvoir n'est pas moins faible que celui de Tbilissi. Oui, c'est Eltsine à l'époque. Hein. Mm-hmm. Ce sont donc les militaires russes qui font la loi, c'est ce que vous voulez dire. Qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher que la Géorgie rompe définitivement les amarres. Avant de poursuivre, là, expliquez-moi les vraies raisons de cet acharnement. Pourquoi les Russes veulent-ils continuer à s'intéresser à la Géorgie? Oh, ben, les raisons sont nombreuses et elles tiennent autant à la géographie qu'à l'histoire. En perdant la Géorgie, la Russie perd aussi la plus grande partie de ses accès à la mer Noire. Alors, je vous l'ai dit, cette question a toujours été une donnée majeure de la politique russe. Oui, l'accès aux mers chaudes. Un accès vital tant sur le plan commercial que militaire. Et après l'indépendance de l'Ukraine, puis celle de la Géorgie, Moscou ne possède plus qu'un port sur la mer Noire, Novorossiysk. Il faut aussi prendre en compte le problème de l'évacuation du pétrole de la Caspienne et de l'Asie centrale vers l'Europe. Une évacuation que les Russes espèrent continuer à contrôler. Mmh. Enfin, il existe en Géorgie une minorité russophone que Moscou entend protéger. Moi, ça, c'est un prétexte idéal pour intervenir. Naturellement. Hein. Ouais. Alors, revenons à la situation intérieure de la Géorgie. Avec l'émergence de ces milices armées, souvent liées aux mafias locales, le climat devient explosif. Et au milieu de cette pagaille, deux hommes, deux chefs de guerre se détachent. À noter qu'ils sont également issus de milieux criminels. Mais tous les deux, des gangsters. Oui, des mafieux, oui, qui, grâce à leur puissance militaire, vont aussi devenir des chefs politiques. Mmh, qui sont-ils, hein? Le premier s'appelle le Jabba Yoselani. Ce type qui a fricoté un temps avec le KGB a créé une organisation appelée pompeusement les Chevaliers. Chevaliers, pourquoi ce nom, hein? À l'origine, il s'agit d'un mouvement humanitaire. En réalité, Yoseliani rassemble dans sa milice des petits truands. Puis, peu à peu, il en fait l'une des organisations nationalistes les plus importantes. Mmh. Cette profession de foi, nationaliste, masquant les trafics auxquels se livrent ses adhérents. Forcément. Enfin, et l'autre chef, hein? C'est Tengiz Kitovani. Lui aussi, je vous l'ai dit, a un passé plus que douteux. Enfin, très vite, ce mafieux ambitieux a pris le train de Kamsagourdia. Ouais, le train nationaliste. Et il s'est si bien débrouillé que lorsque Kamsagourdia accède à la présidence du Soviet suprême, ce dernier lui confie le commandement de la garde nationale. Et dans l'esprit du président, cette unité doit être le moule d'une future armée géorgienne. Mais Kitovani ne l'entend pas ainsi. Et pourquoi? Kitovani a bien l'intention d'en faire une force à sa dévotion. C'est-à-dire sa milice, quoi. Oui. Hein. Et presque naturellement, dès que Kamsagourdia prend conscience de l'ambition de Kitovani, il se sépare de lui. Mais il est trop tard. Le chef de guerre part de Tbilissi avec des centaines d'hommes fortement armés et il est bien décidé à prendre sa revanche. Sa revanche alors sur Kamsagourdia? Bien évidemment, et ça ne tarde pas. Comme le pouvoir géorgien est impuissant à régler les questions abkhazes et ossètes... C'est-à-dire à venir à bout des indépendantistes. C'est ça, oui. Donc ça. Les deux chefs de guerre décident d'en finir avec le pouvoir de Kamsagourdia. Et là encore, les Russes ne sont pas innocents. Les forces armées de Kitovani et Yoselani reçoivent des renforts de mercenaires russes, et peut-être même de militaires qui agissent sur ordre. Ouais. Alors même que, c'est bizarre, hein. Alors même que ces deux chefs ont combattu pour l'indépendance contre les soviétiques. Oui, mais vous allez le voir, tout au long de l'histoire très agitée de la Géorgie contemporaine, ils se noient de très curieuses alliances. Des alliances contre nature. C'est ce que je voulais dire. Bon, donc, durant l'automne 1991, l'opposition anti-Kamsagourdia se fait de plus en plus pressante. Certaines manifestations se terminent même par des morts d'hommes. L'Alali a lieu à la fin de l'année. Kamsagourdia a été élu président de la République quelques mois plus tôt. Quelques mois seulement et triomphalement, je vous le rappelle. Donc, en ce mois de décembre, les forces rassemblées de Yoseliani et Kitovani assiègent le palais présidentiel. Leurs milices sont lourdement armées et disposent même de blindés. Et au fait, le président, lui, il n'a pas de milice? Non, pas encore. Mais il compte beaucoup de partisans qui sont armés, eux aussi. Le siège du palais aboutit donc à une véritable guerre civile qui dure plusieurs jours et cause la mort de dizaines de combattants dans chaque camp. Mm-hmm. Et qui gagne? L'opposition. Kamsagourdia doit s'enfuir et trouve refuge en Tchétchénie où le chef indépendantiste Doudaïev lui accorde l'hospitalité. J'imagine que c'est pas un hasard. Non, puisque les deux hommes sont également hostiles à l'impérialisme russe. Et disons-le tout de suite, la question tchétchène va empoisonner l'évolution de la Géorgie et ses rapports avec Moscou. Mmh. Kamsagourdia a donc été victime d'un putsch. C'est évident. Ouais. Est-ce que les vainqueurs apportent la paix au pays? Bien au contraire. Kamsagourdia compte encore de nombreux partisans qui dénoncent avec vigueur ce coup de force. Et les manifestations se poursuivent, sévèrement réprimées par les nouveaux maîtres du pouvoir. En outre, en Mingrélie, la région d'origine de Kamsagourdia, la rébellion est ouverte. Les zviadistes, comme on les appelle. Zviadistes, à cause du prénom de Kamsagourdia. Oui, ces zviadistes n'ont pas l'intention de désarmer. Et en Abkhazie et en Ossétie du Sud? L'agitation continue. Le profil nationaliste des putschistes ne peut qu'inquiéter ces peuples. Il est donc clair que ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. Et en mars 92, 3 mois donc après le putsch, les deux chefs de guerre doivent se résoudre à faire appel à un homme providentiel. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Cette agitation politique ininterrompue, au moins jusqu'à la révolution des roses de 2003, a ruiné une économie géorgienne déjà flageolante. Et sans anticiper sur la suite du récit de Monsieur X, je voudrais vous donner lecture d'un extrait d'un article de Libération de 2004. Voici ce que la journaliste Lorraine Milo a constaté. Guia, agronome et juriste de formation qui s'est reconverti quelque temps dans le trafic de fromage russe, affirme « À la frontière, il n'y a pas vraiment de contrôle. Si les douaniers ou les policiers remarquent que ta voiture est lourdement chargée, ils t'arrêtent et tu t'en sors avec un bakchich de 5 à 20 nari. » À coup de bakchich glissé ici ou là pour passer une frontière, griller un feu rouge, ouvrir une boutique ou importer en gros pétrole, cigarettes et alcool sans payer de droits, l'économie de la petite Géorgie, mise à mal par une succession de guerres en 92-93, a achevé de s'autodétruire ces 10 dernières années. Faute de rentrées fiscales et douanières, l'État ne peut payer que des salaires de misère à ses fonctionnaires, lesquels sont pratiquement obligés de racketter ou détourner les crédits qui leur sont alloués. Le cercle vicieux est parfait. Près de 60% de l'économie se fait au noir, estime Temuraz Beridze, président de l'Office géorgien des statistiques. Lui-même touche un salaire officiel de 145 lari, 54 euros par mois. Ses employés sont à 41 lari, 15 euros. Deux cartouches de cigarettes sur trois sont vendues dans ce pays sans payer de taxes, observe-t-il. Même dans les stations-service de Tbilissi, nous avons constaté que les ventes réelles d'essence dépassaient de 3 fois les ventes déclarées. Alors cet homme providentiel C'était Édouard Chevardnadze, l'ancien patron du Parti communiste géorgien. Et surtout le ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev. Bien sûr, Chevardnadze a incarné, hors des frontières de l'URSS, la nouvelle politique mise en place par le maître du Kremlin. Oui, il a acquis une image de libéral. Et de très fin diplomate. Ouais, alors il est assez logique qu'on fasse recours à lui. Hein. Certainement, parce qu'il est très populaire dans son pays natal. Et les Géorgiens comptent sur lui pour redresser le pays et en finir avec les divisions. Seulement, Chevardnadze, le renard blanc, comme on l'appelle, a un grave désavantage. Pas aux yeux des Géorgiens? Non, des Russes. Pour les militaires en particulier, c'est l'homme du retrait unilatéral des troupes stationnées en Allemagne de l'Est. Un retrait hâtif, mal préparé, qui a été vécu comme une humiliation par tous ces militaires qui sont souvent des nostalgiques de la grandeur soviétique. En outre, cet ancien ministre de Gorbatchev symbolise en quelque sorte le déclin et la dissolution de l'empire. Ouais. Donc les généraux vont lui mettre des bâtons dans les roues, si À chaque fois qu'ils le pourront, oui. Et ça rejaillira forcément sur la politique de Moscou vis-à-vis de la Géorgie. Sans compter que dès son arrivée à la présidence de la République, Chevardnadze lance franchement des appels aux États-Unis. Ah mais ça doit encore irriter un peu plus les Russes. Évidemment, ils ont l'impression d'être trahis. Et qui plus est, par l'un de leurs anciens dignitaires. Alors, est-ce que malgré la défiance des Russes, Chevardnadze peut rétablir l'ordre en Géorgie? En tout cas, il en a la volonté. Mais la tâche est immense. En dehors même des mouvements irrédentistes dont nous allons reparler, il doit, s'il veut reconstruire son pays, constituer une véritable armée et en finir avec ces milices privées qui agissent comme bon leur semble. Il doit donc lutter contre les gens même qui l'ont appelé au pouvoir. C'est juste. Et ça ne va pas être facile. Il doit aussi épurer tous les services publics qui ont été gangrénés par ces féodalités. La police, les douanes, enfin, j'en passe. Et c'est une vraie épuration qu'il doit entreprendre. Et ce n'est pas sans danger, tant les différentes mafias sont puissantes et super armées. Mais d'abord, il décide d'en finir avec la rébellion zviadiste. Oui, les partisans de l'ancien président Khamsakhourdia. Khamsakhourdia, réfugié en Tchétchénie, est en effet revenu assez rapidement à malgré lui. Et il lance un appel à la lutte armée contre le pouvoir. Chevardnadze doit affronter une guerre civile tout au long des années 1992-93. Les combats sont violents, les exactions nombreuses. Les milices de Yossalgani et Kitovani y participent? Naturellement, puisque l'armée nationale géorgienne n'existe encore que sur le papier. Chevardnadze doit donc en passer par là. Ouais, ça ne doit pas lui sourire, mais enfin pour lui, il y a encore pire. Profitant des troubles en Abkhazie, où là encore, Chevardnadze est contraint d'envoyer des troupes, les zviadistes remportent de nombreux succès. Il ne fait nul doute que leur chef, retourné à Grozny, a obtenu une aide importante des indépendantistes tchétchènes. Le président géorgien doit donc se résoudre à demander de l'aide aux grands voisins russes. Et c'est complètement paradoxal. Et pourquoi? Parce qu'en Abkhazie, les Russes soutiennent les insurgés. Alors qu'ils vont venir au secours de Chevardnadze contre les zviadistes. Mais c'est pourquoi je disais que les alliances dans la région sont parfois saugrenues. Et encore plus étranges, enfin passons, au moins provisoirement. En tout cas, l'aide militaire de Moscou se révèle très efficace. Les villes conquises par les rebelles tombent les unes après les autres. Et il faut souligner que Chevardnadze, non sans courage, se rend en personne sur le front. Mais c'est dangereux, oui. Et comment alors se termine l'aventure des zviadistes? Il recule progressivement et se réfugie en Mingrélie. Mais dès la fin 93, il apparaît évident qu'ils ont perdu. Et leur chef, Khamsakhourdia, trouve la mort dans des circonstances restées encore mystérieuses. Assassiné? Ça, je n'en sais rien, mais on a parlé de suicide. En tout cas, c'est à Grozny qu'il a été inhumé. Dans la capitale tchétchène. Ce qui prouve bien l'implication des Tchétchènes dans cette affaire. La mort de Khamsakhourdia et la défaite militaire des siens ne régleront pourtant pas tout à fait la question. Et des années plus tard, des zviadistes feront encore parler d'eux en provoquant plusieurs incidents sanglants, sans mesure toutefois avec cette guerre civile de 92-93. Oui, mais c'est, au fait, c'est une guerre dont on a peu parlé chez nous. C'est vrai. Ouais. Et pourtant, la Géorgie est un pays européen. Et elle aspire à faire partie de la CE un jour ou l'autre, ce qui serait logique. Ouais, poursuivons. Édouard Chevardnadze, dès son arrivée à la présidence de la Géorgie, a donc dû faire face à une rébellion armée de toute première importance. Mais il n'y avait pas que les zviadistes qui menaçaient son pouvoir. Ouais, les forces séparatistes, là, en Abkhazie et en Ossétie. C'est certainement, mais pas seulement. Le président géorgien devait d'abord se méfier de ses propres alliés, ces chefs de guerre qui l'avaient certes appelé à prendre la tête de l'État, mais qui n'avaient nullement l'intention de renoncer à leur prébende, et qui étaient même prêts à tout pour conserver une once de pouvoir. Ouais, tout, c'est-à-dire Le fond de commerce de ces chefs de bande, c'était le nationalisme, et donc la lutte contre les tendances irrédentistes à l'intérieur de la Géorgie. Par conséquent, autant Yoseliani que Kitovani n'ont jamais hésité à exacerber les conflits. Ouais, pour demeurer indispensable. Et aussi de perpétuer leurs activités coupables. Ouais. Mafieuses, vous voulez dire. C'est bien ça. Sûr. Au besoin, en provoquant les forces russes présentes en Géorgie. Alors, bon, je ne vais quand même pas entrer dans les détails, mais progressivement, Chevardnadze va devoir se débarrasser d'alliés devenus trop encombrants et qui menacent sa politique. Le premier à avoir été mis au pas était Yoseliani. Oui, c'est le chef des chevaliers. Oui. Comment, alors? Bon, en 1995, Chevardnadze échappe à un premier attentat à la voiture piégée. Lui et les hommes de son escorte sont légèrement blessés. Très vite, il apparaît que le commanditaire se trouve dans l'entourage de Yoseliani. Le président géorgien décide donc d'en finir avec les nationalistes les plus extrémistes et les plus impliqués dans les activités mafieuses. Un gigantesque coup de filet est lancé. Yoseliani lui-même est arrêté. Et le résultat, alors? Le mouvement des chevaliers est démantelé, même si certains d'entre eux continueront à fomenter des troubles. Toutefois, ce qui est important, c'est que quelques-uns des auteurs de l'attentat parviendront à s'échapper et trouveront refuge en Russie. Ah, en Russie, pour vous, c'est la preuve de la connivence de Moscou avec ces terroristes. Ça me semble évident. Ouais, car même si les Russes ont donné un coup de main à Chevardnadze pour l'aider à combattre les zviadistes, ils estiment qu'ils n'ont pas été payés en retour. Ouais, parce que Chevardnadze n'est pas rentré dans le rang. Exactement. Et qu'il continue à faire les yeux doux aux Américains. Des Américains qui s'intéressent de plus en plus au Caucase. À cause du pétrole. Notamment. Mais aussi parce que rien de ce qui peut affaiblir la Russie ne leur est indifférent. Même si la guerre froide est en principe terminée. Mais, si vous le voulez bien, je vous propose de consacrer notre prochain entretien à ce sujet. Le nouveau grand jeu qui se joue dans le Caucase et jusqu'en Asie centrale. Le grand jeu, c'est l'expression qu'on utilisait autrefois pour parler de la rivalité entre les Russes et la Grande-Bretagne au nord de l'Inde. Et surtout en Afghanistan. Ouais, donc ce nouveau grand jeu oppose la Russie et les États-Unis. Oui, c'est bien ça. Une lutte impitoyable malgré les bonnes relations apparentes qui existent entre Washington et Moscou. Mais un petit peu de patience, on y reviendra dans la deuxième partie de cet entretien. En attendant, et pour terminer provisoirement bien sûr, je vais encore dire que la Russie, comme je vous l'ai déjà indiqué, à plusieurs reprises n'a cessé de jouer au pyromane dans cette région caucasienne. En soutenant les mouvements séparatistes. Bien entendu, et d'une certaine façon, c'était de la folie. Pourquoi? À cause de la question de Tchétchène? Évidemment. Les Russes ont puissamment aidé les Abkhazes et les Ossètes, alors même qu'ils combattaient par tous les moyens les indépendantistes tchétchènes dans la république voisine. C'était forcément absurde. Ouais, pourquoi deux poids, deux mesures, quoi? Naturellement. Puis ça ira encore plus loin. Songez qu'en Abkhazie, les Russes se sont même attachés les services de Chamil Bassaïev, ce chef de guerre tchétchène dont ils ont aujourd'hui mis la tête à prix après la tragédie de Beslan. Alors, au fond, ce Bassaïev est une créature des Russes, un peu comme Ben Laden a été en partie fabriqué par les Américains. Je vous simplifie peut-être à l'excès, mais c'est pas tout à fait faux. D'autant que Bassaïev a entretenu d'excellents rapports avec le KGB, comme Ben Laden, effectivement, avec la CIA. Nous reparlerons donc de la Géorgie avec Monsieur X, de cette nouvelle guerre froide dont il a parlé, et aussi du conflit abkhaze. À ce propos, je reviens à cet excellent ouvrage, Les mondes rebelles, publié chez Michalon. Voici comment ses auteurs évoquent l'Abkhazie. Climat ensoleillé, littoral pittoresque, douceur de vivre, terre fertile, abondance de biens, l'ancienne Colchide de l'Antiquité mérite bien son surnom de perle de la mer Noire. Pourtant, ce petit coin de paradis, souvent appelé la Riviera soviétique, a servi de cadre à l'un des conflits les plus sanglants provoqués par l'implosion de l'Union soviétique et par la recomposition de son espace politique. Comme ailleurs, les racines du mal tiennent à l'héritage empoisonné que constituent les délimitations administratives internes de l'ex-URSS, décidées de manière arbitraire par un pouvoir lointain dont on ne sait s'il a agi par hasard, bêtise ou perversité. Les autorités soviétiques ont ainsi émaillé l'ensemble du territoire de l'ancienne Union d'une série d'abcès géopolitiques potentiels, véritables bombes à retardement, combinant problèmes ethniques, clivages religieux ou linguistiques et rivalités historiques ancestrales. Complètement gelées, tant que régnait un pouvoir central fort et totalitaire, ces foyers de tension se sont spectaculairement décongelés dès que l'URSS montra ses premiers signes de déliquescence. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez écouter cette émission. Très bon week-end à l'écoute de France Inter. À suivre CO2, mon amour, présenté par Denis Chessou. France Inter, il est 14h. Un point sur l'actualité avec Michel Khalifa. Bonjour. Bonjour. Rocco Buttiglione ne participera pas à la Commission européenne. Le ministre italien l'a annoncé aujourd'hui à Rome. Il était pressenti pour être chargé de la justice. Rocco Buttiglione avait été récusé par le Parlement européen pour avoir tenu des propos sexistes et homophobes. José Manuel Durao Barroso, qui doit présider la future Commission européenne, avait dû renoncer à présenter son équipe mercredi. Le Parlement avait exprimé son opposition, contestant plusieurs commissaires. En Irak, un chauffeur somalien et deux Irakiens ont été pris en otage aujourd'hui dans le nord du pays. Dans le même temps, les autorités de Tokyo ont indiqué qu'un corps retrouvé hier en Irak n'est pas celui de l'otage japonais. Le ministre des Affaires étrangères nippon avait affirmé auparavant que ce corps pourrait être celui de Shosei Koda. Ce jeune routard de 24 ans